jusqu'à l'usure, on lâchera pas les murs. J'ai un but, un seul combat, un combat dans la pomme. But sur les connes, cul but, conne, ma lutte sonne jusqu'au royaume du vieux. J'ai vu la lumière, j'ai compris le chant du bourreau. Le rouleau m'a roulé dessus, mon boulot su et ferme ta gueule. Je mène ma barque, embarque mes frères avec moi. Je bec noix, les becs bois, ma sante fume les becs noirs. Et tu verras, on aura tout ce qu'on voudra en or, mon aura fort. J'ai signé, vois la santé du pèse. Je ferme les yeux, bouche mes oreilles. Une seule voix, une seule cause pour se faire de l'oseille. J'ai plus ce qui se passe dans ma tête, j'ai plus le contrôle. Ce qui se passe dans ma quête, rien de troll. Les frères picole, call des baffes, raffolent du bien d'autrui. Affolent les masses, détruisent, suit les pertes à tout va. C'est ça leur vie, fait ou action à tout va. Avis des coups bas, calme au fin prêt pour son éternel stomba. Je me suis battu et vu des gens abattus. Je me bats encore et vu d'autres préférer la mort. La seule chose qui change dérange tous les décors. La peur du plus fort, celui qui décide de ton sort. On l'avait dit. La femme conduit au paradis. Tous ceux qui un jour ont voulu faire partie de sa vie. Elle voit le désert, ses joies, sa misère. C'est pour ce regard de mère que tous les hommes espèrent. Un signe du destin, le droit de pouvoir faire son pain. Rentrer la tête haute, faire du bonheur de tous les siens. Je continuerai à combattre, à battre tous ceux qui veulent m'abattre et battre. Le faire tant qu'il est chaud, pour prouver enfin à tous ceux qui m'avaient tourné le dos que se trouver au bon endroit, au bon moment, suffit bien souvent à changer les comportements. Ouais, éternel combat. Fais mon baptême du feu comme une vierge, perd son hymen. Marie Méman, là où traîne la vermine, les briseurs de Neyman. Ici on aime animer ces soirées en brûlant de la résine. C'est la zone, la merde et les Schmitt ne lésinent pas sur les moyens quand y'a crapugé le quadrille. Esquiver leur escadrille, autant faire le marathon en espadrille. C'est à voix jusqu'à l'aube, compte pas sur l'aubaine. Combien ont un tel Nirvana comme Kurt Cobain. Lino à la conquête, linge ton style à la con. Moi je suis de ceux qui goumaient en bas, toi de ceux qui guettaient au balcon. La survie, ça s'apprend pas à l'école. C'est sûr si je picole, c'est que la censure, c'est toujours les mêmes qui s'y collent. Je boxe avec les mots MC, je soigne tes mots avec mes poèmes. Qui taille, laisser la peau, je te rappe ma vie de bohème. Le monde est beau comme le diable est bon, ça me fout les jetons. Bon baiser du purgatoire, l'enfer et ses rejetons. Maintenant, mange morte, c'est au grand barbu, je m'adresse.